venu tout seul, j'ai pas pu choisir. J'étais comme piégé, j'ai pas pu partir. Façon où aller quand partout ça tire. Et c'est mon cœur, pas le saphir qui t'attire. Pourtant on avait misé sur le bon cheval. On se l'était dit, on baise le monde et on se taille. C'est pas la même, c'est la tentation qui coule dans tes veines. Si ça t'a plu, je pourrais faire encore plus. Vu qu'après tout ça, les sentiments ne comptent plus. Direct, aucun sous-entendu. Et quand je suis pas là, je sais que tu regardes la pendule. Peu d'expérience, toujours en formation. J'y comprends rien après plus de 100 relations. Mais je veille sur toi, bébé rassure-moi. On n'avait pas grand chose à perdre, on tombera pas plus bas. Et vu ma taille, tu pensais que je te prendrais de haut. T'arrivais pas à croire que c'était ma seule go. Mais c'est pas la même. C'est la tentation qui coule dans tes veines. Si ça t'a plu, je pourrais faire encore plus. Vu qu'après tout ça, les sentiments ne comptent plus. Et j'y vais direct, aucun sous-entendu. Et quand je suis pas là, j'sais que tu regardes la pendule. Si ça t'a plu, je pourrais faire encore plus. Vu qu'après tout ça, les sentiments ne comptent plus. Et j'y vais direct, aucun sous-entendu. Quand j'suis pas là, j'sais que tu regardes la pendule. Si ça t'a plu, j'pourrais faire encore plus. Vu qu'après tout, c'est dans les sentiments ne comptent plus. J'y vais direct, aucun sous-entendu. Et quand j'suis pas là, j'sais que tu regardes la pendule.